Section 11 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 11. Le lendemain d'un succès. Courrier de l'auteur par Charles Narré. Darnetal sonne. Bob, son domestique, entre d'un pas mesuré. Il apporte le courrier de monsieur sur un plat de Delft ou des environs de Delft. Tous les matins, Bob arrivait en sautillant, demandait familièrement des nouvelles de la santé de son maître et lui remettait de la main à la main ses journaux et sa correspondance. Pourquoi ce changement subit ? Parce que Darnetal, qui avait fait jouer 30 pièces sans grande importance, venait de remporter une éclatante victoire avec sa comédie, Le gentilhomme bourgeois, et que Bob avait assisté à cette victoire. Darnetal lit ses lettres, et disons-le, les plus méchantes ne sont pas celles qui lui font le moins de plaisir, car elles affirment plus sûrement que les autres la solidité de son succès. Cher ami, c'est les yeux encore baignés de douces larmes que je t'écris pour te féliciter de ton grand et légitime succès. Mais, croisant ma vieille expérience, coupe ton premier acte, qui est vide. Ta pièce y gagnera beaucoup. En te donnant ce conseil, je te prouve ma grande franchise et mon amitié inaltérable. Une poignée de main. M. Post-scriptum, après mûre réflexion, je crois qu'il vaut mieux couper le deuxième acte, qui est creux, et arriver tout de suite à ton admirable dénouement. Deuxième post-scriptum. Si tu coupais plutôt le troisième acte, il est inutile, puisque la pièce est finie au second. Cher monsieur, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, et je suis encore émue ce matin en vous écrivant. Oui, c'est un succès, et un grand succès. Il est regrettable seulement que le directeur ait cru devoir vous donner les décors et des costumes superbes qui viennent distraire le public et nuisent ainsi à votre belle prose, si belle que parfois on se demande si on n'entend pas des vers. Votre admiratrice passionnée, Yolande de Valrosa, auteur de La femme libre par l'amour. Post-scriptum. Venez donc dîner sans façon jeudi. J'ai quelques amis et je ne serai pas fâchée de leur montrer le lion du jour. Monsieur, je vous ai entendu dire souvent « Il vaut mieux être du côté de ceux qui donnent que du côté de ceux qui demandent. Je suis de votre avis. » Un confrère qui est du mauvais côté puisqu'il est obligé de vous demander quelques louis pour fêter votre splendide succès. Cher monsieur, Dieu a eu besoin de 7 jours pour créer le monde, qui n'est pas une chose bien merveilleuse. Vous, vous avez mis 6 jours à faire votre pièce, et c'est un pur chef-d'œuvre. À qui la palme, je vous le demande. Bien votre. P. Post-scriptum, si vous avez une loge de trop, donnez-la moi. Je l'offrirai à mon chef de division, qui est fort riche et qui aime beaucoup le théâtre, mais seulement quand il peut y aller pour rien. Monsieur, j'ouvre ces jours-ci un magasin de chaussures. Je cherchais un bon titre. Votre grand succès me le fournit. Si vous m'y autorisez, j'écrirai donc sur mon enseigne, au gentilhomme bourgeois. Ça fera bien, je crois. Dans l'espoir d'une réponse favorable, je signe France Muller, cordonnier pour hommes, dames, enfants et chasseurs. Monsieur, comme j'aime les situations nettes, je viens vous apprendre pourquoi je n'aurai plus l'honneur de vous saluer quand je vous rencontrerai. Hier, je vous ai dit, je tiens à assister à votre première représentation. Casez-moi où vous pourrez. Fût-ce au paradis. Vous m'avez donné, en vous excusant, une stalle de la deuxième galerie. Je vous ai remercié avec effusion. Je le reconnais. mais pouvais-je deviner que mon tailleur serait placé au fauteuil d'orchestre et la modiste de ma femme dans une première loge. À ce spectacle inattendu, j'ai bondi de rage, et ne voulant pas siffler, parce qu'un homme de mon monde ne siffle pas au théâtre, je me suis contentée de partir en battant les portes. Vous m'avez donné si souvent de bonnes places que j'ai le droit, après un tel outrage, de cesser de me dire votre dévoué. R. de V. Monsieur, tout le monde aura beau vous dire du bien de votre pièce, il y aura toujours quelqu'un qui en pensera plus que tout le monde. Vous, pendant que vos amis connus et inconnus chantent vos louanges, moi seul, je vous dirai la vérité, mais toute la vérité. Votre dialogue est gai, comme un anglais en goguette. Votre action hyperboréenne donnerait des engelures à la jambe de bois d'un invalide, et vos mots piquants ressemblent à des serpents apprivoisés. Ils ne piquent pas. Excusez-moi si je mêle ces quelques gouttes de vinaigre au lait qu'on vous verse depuis hier. Un ami de votre famille. Post-scriptum, les bêtes et les végétaux sont plus raisonnables que certains hommes. Avez-vous jamais vu un âne qui eut la prétention de procréer des éléphants ou un pommier qui voulut produire des ananas? Non, n'est-ce pas? Eh bien, pourquoi alors vous obstinez-vous à écrire des comédies lorsque le Créateur vous a vraisemblablement confié la mission délicate de faire des bottes? Monsieur, vous avez eu la gracieuseté de m'envoyer la loge que je vous ai demandée, mais je dînais en ville. J'espérais bien aller vous applaudir vers 11 heures. Hélas, je n'ai pas pu m'échapper. Capoule est arrivé fort tard, et vous comprenez que je tenais à l'attendre. Ce n'est donc pas ma faute si la loge est restée vide. Envoyez-en une autre. Demain, je n'ai rien à faire, et recevez mes meilleurs compliments. Sabine de B. Cher ami, depuis des années, je te rencontre un peu partout. Je te regarde et je me dis à l'oreille « Mais c'est Darnetal, mon camarade de collège. » Hier seulement, en entendant proclamer ton nom devant 3000 spectateurs en délire, j'ai été sûre que je ne me trompais pas. Viens donc dîner dimanche chez moi. Je te présenterai à la famille de ma femme. Ça me posera devant ma belle-mère. À toi, baron de Villepinte. Mon vieux camarade, le chemin qui mène à la gloire et à la fortune est tellement encombré que l'on ne saurait y marcher sans renverser quelqu'un. Le quelqu'un que tu as renversé, toi, c'est moi. Voici la chose. Lorsque j'ai lu dans mon Figaro que le directeur des Folies panoramiques venait de recevoir et de mettre à l'étude une pièce de toi, j'allais lui en porter une, dont je suis très content. Je me suis abstenu pour que l'idée ne lui vînt pas de regretter sa précipitation. C'est gentil, ça. J'espère que tu me récompenseras de ma belle action en faisant jouer devant ton gentilhomme bourgeois le petit lever de rideau que je t'envoie. Il est spirituel, piquant et original, mais d'une gaieté douce qui ne fera aucun tort à la pièce de résistance. Ton vieux camarade, Brigonnet. Cher monsieur, je n'ai pas pu assister à votre succès, qui a été un triomphe. Voulez-vous m'envoyer une loge pour un jour de la semaine prochaine? Vous obligerez celui qui se dit avec orgueil votre ami. X. 64 exemplaires de ce billet, avec peu de variantes. Mon cher Darnetal, je veux être le premier à vous féliciter du succès de votre pièce, qui vous classe décidément hors de pair. Cependant, je ne regrette pas de l'avoir refusée, car elle aurait été sifflée chez moi. Une poignée de main. Q. Directeur des Bouffes du Sud. Post-scriptum, j'espère que vous ne me garderez pas rancune et que bientôt vous me donnerez l'occasion de vous montrer jusqu'à quel point mon théâtre et son directeur sont à vous. Cher ami, quelques divergences d'idées nous ont fait abandonner la comédie que nous avons commencée ensemble. J'ai réfléchi depuis hier. Vous aviez raison sur tous les points. Demain, si vous le voulez, nous reprendrons notre travail où nous l'avons laissé. Et dans un mois, la pièce sera finie. Elle pourra succéder à votre chef-d'œuvre, dans bien longtemps, sans doute, mais il est bon d'être prêt. Votre collaborateur le plus dévoué, M. Monsieur, vous avez un immense succès, mais laissez-moi vous le dire sans fiel, votre ouvrage ne vous a pas donné grand mal. Ce que vous avez pris pour de l'invention n'était que de la mémoire. Je m'explique. En 1869, je vous ai communiqué une œuvre qui commençait par une scène de domestique et qui finissait par un mariage. Est-ce clair? Dois-je en dire davantage? Oserez-vous soutenir que votre gentilhomme bourgeois n'a pas le même commencement et la même fin? Donc, c'est un plagiat. Encore une fois, sans rancune et bien à vous. A. Membre de plusieurs académies de province et de la banlieue. Post-scriptum, si vous le voulez bien, nous nommerons des arbitres qui décideront à quelle part de droit d'auteur je puis prétendre. Quel que soit leur arrêt, dès aujourd'hui je déclare que sous aucun prétexte, je ne consentirai à être nommé avec vous sur l'affiche et sur la brochure. Plusieurs phrases de votre dialogue accusent des opinions qui ne sont pas les miennes. Monsieur, j'ai l'intention de faire une tournée en province et à l'étranger avec votre magnifique comédie « Le gentilhomme bourgeois ». Si vous daignez m'y autoriser, je vous promets, monsieur, de monter l'ouvrage aussi bien et même mieux que ne l'a fait votre directeur de Paris. J'engagerai à cet effet, et spécialement, messieurs Alphonse, Pierre et Alfred, Madame Adèle, Brigitte et Amanda. Si nous traitons ensemble, comme j'ai tout lieu de l'espérer, je me fais fort de vous prouver que les artistes, hors ligne, que j'aurai l'honneur de vous soumettre, sont infiniment supérieurs à ceux qu'on acclame tous les jours, par habitude à Paris. En attendant votre décision, je suis avec admiration votre dévoué Saint-Phar, ex-artiste des principaux théâtres des capitales. Cher maître, voici une comédie en 5 actes où il y a un sujet. Elle est mal faite par un jeune homme sans expérience. J'ai pensé à vous pour la mettre au point. Si l'affaire vous convient, un mot de réponse. À vous, N, directeur des bouffes de l'Ouest. Post-scriptum. Votre pièce d'hier est superbe. Mes compliments sincères. Jouez chez moi. Elle aurait 500 représentations. Où elle ira longtemps tout de même, malgré une interprétation que j'appellerai seulement défectueuse pour ne pas bêcher un confrère. Mon petit Darnetal, vous avez eu une drôle d'idée de confier le rôle de la princesse à cette grue de Sylvia, lorsque vous n'aviez qu'un mot à dire pour m'avoir. Mais ce qui est fait, n'en parlons plus. Parlons d'autre chose. Si Sylvia, qui a une santé ruinée, comme les personnes qu'elle a honorées de sa confiance, si Sylvia tombe malade, je suis prête à la doubler. Madame Chautel, ma directrice, qui est une femme charmante, me donnera ma liberté dès que je le voudrai. Elle me la donnera d'autant plus volontiers que son public m'a dans le nez, parce que je suis une femme trop comme il faut. Bien à vous, Rosalinde. Grande coquette en tout genre aux théâtres unis de Montmartre et de Batignolles. Cher maître, avez-vous encore la pièce que j'ai refusée il y a un mois? Je crois l'avoir mal lue. J'étais préoccupée alors de bien des choses dont je vous parlerai lorsque vous viendrez causer avec moi de votre distribution. À bientôt et à vous, Z, directeur des bouffes de l'Est. Mon bon Darnetal, puisque vous êtes en veine, vous devriez me faire un rôle. Vous me connaissez, vous savez que je porte merveilleusement la toilette et que je peux sans crainte m'habiller et me déshabiller en scène. Le travesti aussi me va, bien que je ne sois pas maigre. Je fonds dans le maillot, mais je n'ai rien à vous apprendre là-dessus. Voici ce que je voudrais. Pas de chant et peu de prose, beaucoup de mouvements. Une scène de boxe anglaise ou française, de la danse et un assaut d'armes. Si le rôle vient bien, je serai reconnaissante. Tout le monde vous dira comment j'entends la reconnaissance. Rose Mousseuse. Post-scriptum, encore un mot. Je fais le tour des couteaux comme George Sand, de son vivant ou comme un chinois. Je monte à cheval comme Elisa de Vienne et je jongle comme Oceana. Mais il ne faut pas me demander autre chose. Cher ami, je suis ravie, transportée, enchantée. Vous n'avez jamais rien fait de meilleur. Votre gentilhomme bourgeois, c'est le père prodigue de Dumas. Votre fille laide et charmante, c'est Philiberte d'Augier. Votre petite princesse, c'est la petite marquise de Meillac. Votre amoureux séduisant et râpé, c'est Rodolphe de l'honneur et l'argent, qui ne dîne pas pour acheter des gants. Je ne parle pas de votre action, elle est puérile, mais d'une puérilité voulue. Vous n'êtes pas homme à fouler les sentiers battus par des Néri ou Cormon. Encore une fois, cher ami, tous mes compliments. Vous seul avez assez de talent pour obtenir un grand succès avec une pièce où il n'y a ni esprit, ni caractère, ni invention. Votre confrère dévoué, V. Monsieur, c'est quand on est heureux que le cœur s'ouvre à la pitié, et vous êtes bien heureux par votre immense succès d'hier. Je suis père de 7 enfants en bas âge, et ma pauvre femme se meurt de la poitrine dans un hôpital. Une aumône adoucirait la plus cruelle des souffrances. Entendre des petits anges blancs et roses vous dire « j'ai faim » et ne pouvoir que pleurer avec eux. C'est avec le plus profond respect que je suis, monsieur, votre très humble serviteur, un pauvre honteux. Post-scriptum, je viendrai à midi chez votre concierge voir si vous avez eu pitié de nous. Monsieur, j'ai vu votre comédie Le gentilhomme bourgeois. Elle a eu du succès. Elle devait en avoir, car elle renferme quelques bonnes scènes et quelques scènes neuves. Malheureusement, les scènes neuves ne sont pas bonnes et les bonnes ne sont pas neuves. À vous, anonyme. Post-scriptum, bien des choses à Molière, si vous le rencontrez. Cher monsieur, c'est parce que votre pièce est une bonne pièce que je me permets de venir la critiquer un peu. D'abord, vos personnages ne vivent pas. Et puis, dans quel monde sommes-nous, bonté divine? Où avez-vous vu une femme légitimement mariée qui fait payer ses notes de couturier et de couturière par un autre homme que son mari? Dans quel pays fabuleux trouverez-vous un marquis authentique qui se fait démocrate pour arriver à la députation? Où rencontrerez-vous une princesse qui a ses entrées dans l'almanach de Gotha, assez éhontée pour épouser un boursier enrichi en 3 jours par un coup de Jarnac, et ce notaire qui perd au baccarat l'argent de ses clients? Où l'avez-vous vu? Et cette jeune fille qui calcule mieux que feu barème, et ce fils de famille qui, après s'être fait dévaliser par les cocottes, dévalise à son tour les vieilles passionnées qui lui tombent sous la main? Où les avez-vous rencontrées? Si je me permets ces quelques observations, cher monsieur, c'est parce que votre pièce est une bonne pièce. À vous, Pomard de Chambertin. Post-scriptum, vous savez bien, cher monsieur, que j'ai le droit de vous parler ainsi. Je suis moi, de ce monde, que vous méconnaissez. Un de mes ancêtres a été anobli par le duc de Bourgogne vers 1407 pour avoir aidé au meurtre de Gaston d'Orléans. Et mon arrière-grand-mère a eu l'honneur d'être la maîtresse de Louis XV. Monsieur, voici une comédie que je vous prie de lire. Elle n'est qu'à l'état d'embryon, mais avec votre talent éprouvé et votre esprit parisien, vous en ferez aisément un chef-d'œuvre. De vos humbles admirateurs, le plus sincère. X. Post-scriptum, si vous me rendez le service que je sollicite, je vous étonnerai par la singularité de ma conduite. Je serai reconnaissant. Monsieur, j'ai lu dans le Figaro une réclame qui vient de vous, sans aucun doute. Elle déclare que votre pièce a été écrite avec une rapidité vertigineuse. Je ne vous ferai pas l'honneur de ne pas vous croire. Je vous citerai seulement un mot qu'un philosophe dont j'ai oublié le nom a publié dans un livre dont j'ai oublié le titre. Le temps ne respecte pas ce qui a été fait sans lui. Votre bien dévoué, anonyme, fils aîné. Monsieur, Monsieur Dumas a une fourrure en astrakhan. Monsieur Halévy a une fourrure en martre. Monsieur Meillac a une fourrure en loutre. Monsieur d'Arnetal serait déshonoré si on le voyait encore avec un simple par-dessus, après le grandissime succès de son gentilhomme bourgeois. Que Monsieur d'Arnetal me permette donc de lui expédier, avec mes respectueuses salutations, une pelisse en renard bleu, qui le fera, j'ose le dire, l'égal et même le supérieur de ses auteurs d'élite. Birman, tailleur. Post-scriptum, ci-contre, la note de M. d'Arnetal, depuis 1878 jusqu'à ce jour. Le coût de la pelisse est de 1200 francs, que je prends la liberté d'ajouter à la dite. Monsieur, il y a longtemps déjà que Madame la Comtesse de Primevère, née d'Arnetal, ma femme me dit « Mon ami, je crois bien que M. d'Arnetal, l'auteur dramatique, célèbre, est mon parent. Informez-vous. Je me suis informée et j'ai appris que vous êtes du Nord. La famille de la comtesse est du Midi. Mais vers 830, un sire Romuald d'Arnetal a disparu et nous avons tout lieu de croire qu'il s'est établi du côté des Flandres. Ne seriez-vous pas le descendant de ce Romuald? Dans tous les cas, si vous vouliez nous faire l'honneur de venir à notre bal du 13 avril, Madame la Comtesse de Primevère, née d'Arnetal, serait heureuse de faire la connaissance d'un parent qui jette un si vif éclat sur son nom. Agréez, monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. Comte de Primevère. Mon grand petit homme, ta pièce est jolie tout plein. Plus de 100 personnes, et même des amis intimes m'ont complimenté. J'étais très fière. En sortant du théâtre, j'ai rencontré une de mes couturières, chez qui j'ai une grosse note en détresse. Tu sais, celle qui a tant ri, quand je lui ai proposé des billets signés de toi. Eh bien, après ton succès, elle les accepte, tes billets. C'est ça qui est un honneur. Ta-ta-ta. Mon cher client, j'ai applaudi des deux mains à votre grand succès. Je me permettrai cependant une critique. Votre notaire est ridicule, et il n'y a pas de notaire ridicule. Ah, si Maître Dunant était avoué, agréé ou autre chose, votre comédie serait parfaite. À vous, Malvolsi, notaire. Cher ami, j'ai assisté à ton succès. Je ne savais pas de qui était la pièce. Je l'ai écoutée avec plaisir jusqu'au bout. Et lorsqu'on t'a nommé, j'ai été ravie et étonnée, je te l'avoue. Je te connais depuis longtemps et je ne t'aurais pas cru capable de faire une si belle œuvre. Encore une fois mes compliments. À toi, C. Post-scriptum, tu n'as pas de collaborateur, n'est-ce pas? Car on me dit que souvent, il y a des auteurs qu'on ne nomme pas et que c'est quelquefois le plus fort qui reste dans l'ombre. Le lendemain d'une chute. Courrier de l'auteur. Pour copie conforme. Fin de la section 11, lue par Margot.